بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأينا باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Donc on a vu l'Irab, c'est le changement de l'état de la fin des mots selon ce qui le fait changer en fait, l'awamil qui le font changer. Comme on a vu, Zaydun, donc selon les sujets, fa'il, ja'a Zaydun, ou ra'aytu Zaydan, mansoub, maf'oul bihi, donc. مفعول به منصوب و مررت بزيد مجرور avec le باء donc ça passe de زيد زيدا زيد c'est ça l'إعراب يعني le changement peut être explicite en fait لفظا c'est de façon explicite dans l'expression c'est-à-dire on le voit bien il change Zaydun, Zaydin, Zaydan, dans les exemples qu'on a cités, ou Taqdiran, c'est-à-dire un changement supposé. C'est-à-dire on ne le voit pas vraiment le changement, mais il est supposé. C'est à cause de certaines choses qu'on ne va pas le changer dans l'expression. C'est les noms qui comportent à la fin un alif. Comme Al-Fata. Al-Fata, donc à la fin, ça s'écrit avec l'alif là, qu'on dit alif maqsoura, qui ressemble à ya sans deux points. Al-Fata ou un ya. Donc ça, cela concerne quoi? Un changement supposé, c'est concerne les noms qui finissent par alif ou un ya. Comme Al-Qadi. Donc Al-Fata, Alif Lam, Fa, Ta, et puis on a un Alif là qui descend en bas en fait. Une sorte de Alif, Alif. Mais Alif en bas, pas Alif qui monte vers le haut. C'est comme un Ya, mais qui n'a pas deux points. Al-Qadi, par contre lui il finit avec un Ya. Al-Alif Lam Qa Alif Al-Qadi Al-Qadi. Donc ça c'est concernant ces deux cas pour l'Arabe qui est supposé en fait. C'est-à-dire on va pas voir par exemple donc ainsi Al-Alif qu'on dit Layina douce Yata'avvaru Tahrikuha إذن أو تقديرا كما في الاسم الذي آخره ألف نحو الفتى أو الياء أو ياء نحو القاضي إذن في آخره ألف أو ياء نحو القاضي فإن الألف اللينة يتعذر تحريكها فيقدر فيها الإعراب للتعذر تلك الألف لينة يتعذر c'est-à-dire il n'est pas facile de la de lui faire un vrai إعراب un إعراب apparent donc on va faire un إعراب supposé comme on dit جاء الفتى. On ne dit pas j'ai al-fata, ça se dit pas. Al-fata, yani le jeune homme. Comme il y a alif, on va pas faire une dhamma comme j'ai Maryamou. Là, on pourra pas dire al-fata, ça marcherait pas, ça serait une difficulté. Donc on va dire j'ai al-fata, wa ra'aytu al-fata, wa marartu bil-fata. Dans les trois cas, on dirait que c'est la même chose. Al-Fata, Al-Fata, Al-Fata. Il n'y a pas Al-Fata'i ou Al-Fata'i, ça ne marcherait pas. Donc là, on dit, c'est un Arabe supposé parce que, étant donné qu'il y a l'alif, là, on peut pas vraiment faire un ihram clair. نحو جاء الفتى الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. Donc on va dire dans la phrase جاء الفتى, الفتى est فاعل. Sujet مرفوع avec une ضمة مقدرة supposée. Une ضمة مقدرة sur الألف a empêché son apparition. La difficulté, le ta'adhur. Donc, ja al-fata, c'est une dhamma supposée, parce qu'on ne la voit pas vraiment. D'accord? Comment? Donc, ja, jim, alif, ou l'a, al-fata, al-fata. Nom qui ne finirait pas, un nom normal, où il n'y a pas de alif ni de ya. On a dit Ja'a al-ghulamu mu il y a une dhamma parce qu'il est sujet fa'il. Donc là, vu que à la fin, ça c'est un cas spécial, un cas particulier, il y a un elif ou un ya, ça devient un cas particulier. C'est notre cas là. Comme il y a alif à la fin, il finit par un alif. On ne peut pas faire apparaître la dhamma, on va dire la dhamma elle est supposée sur l'alif. Parce qu'il est difficile de la faire apparaître. Wa ra'aytu al-fata fal-fata maf'oulun bihi mansoubun bi fathatin muqaddaratin 'ala al-alif mana' min dhuhuriha at-ta'adhdhur. ورأيت الفتى j'ai vu الفتى رأيت و ر أيت رأيت همزة على الألف يا والتاء مفتوحة رأيت رأيت الفتى رأيت الفتى فالفتى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر رأيت الفتى الفتى مفعول به منصوب avec une fatha منصوب avec une fatha مقدرة supposée sur الألف a empêché son apparition la difficulté ومررت بالفتى فالفتى مجرور بالباء بكسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر مررت بالفتى je suis passé par الفتى يعني الفتى est مجرور par le باء avec une كسرة supposée مقدرة sur الألف a empêché son apparition la difficulté التعذر